Shalem Aleichem, comte d'Alsace, par Léopold von Sacher-Masoch. Tout le monde n'est pas responsable de son sort. Il y a des gens honnêtes et laborieux qui font tous leurs efforts pour tenir tête au malheur qui les poursuit et qui pourtant n'y réussissent pas. C'est chez ceux-là que le Dalès élit domicile. Un mauvais esprit, ce Dalès, la misère en personne. Plus les soucis et les embarras par lesquels les pauvres ont à passer sont grands et nombreux, plus le Dalès se trouve à son aise. Il s'engraisse à mesure que les autres maigrissent. Il semblait qu'un Dalès de cette espèce fût établi chez la mère Yette Goldenblum. Elle était réputée pour une excellente femme dans tout le bourg alsacien, et autrefois, sa petite boutique lui assurait une aisance suffisante, mais depuis quelque temps, elle avait vraiment du malheur, et sa maisonnette était à présent complètement grevée de dettes. Son père, Beer Taubes, avait été trop généreux. À force de secourir tous ses parents et amis, il avait dissipé peu à peu sa petite fortune et maintenant personne ne songeait à lui venir en aide. Il se trouvait encore bien heureux d'avoir un vieux fauteuil chez sa fille et un couvert à sa table. Le fils de Yette, Fritz, un garçon intelligent et laborieux, fut aussi poursuivi par ce Dalès de malheur. Quand il entrait dans un atelier, son patron faisait bientôt faillite ou la fille devenait amoureuse de lui et il était forcé de s'en aller, ne voulant pas être infidèle à sa fiancée, la jolie et spirituelle Sarah Meyer. Une fois, il se trouva de nouveau dans la maison de sa mère, sans travail et sans argent. Tous souffrirent quelque temps avec patience et courage la pauvreté, le chagrin et les privations. Mais un jour, Fritz prit une décision. German Kugel, qui le connaissait et avait confiance en lui avait avancé la somme nécessaire pour aller en Amérique. Fritz voulait traverser l'océan pour tenter fortune dans le Nouveau Monde. Tous l'écoutèrent triste et en soupirant, mais ils l'approuvèrent. La mère Yette prépara aussitôt ce dont il avait besoin pour le voyage. Ce soir-là, Fritz était assis avec Sarah sur le banc près du poêle. Il parlait peu, mais il se tenait la main et il se comprenait. « Je t'attendrai, » dit enfin la pauvre Sarah, « et si tu ne revenais pas, je n'en épouserai jamais d'autre, je te le promets. » Le lendemain matin, Fritz partit. Son grand-père lui donna sa bénédiction. Sa mère et sa fiancée l'accompagnèrent jusqu'à la station de chemin de fer la plus proche. Moins d'un mois après, la première lettre arriva renfermant de l'argent. Fitz avait trouvé un travail lucratif à Milwaukee et promettait d'envoyer chaque semaine le fruit de ses économies. Il tint parole. Ce fils, qui avait tout quitté, famille et fiancée, pour s'en aller travailler au-delà des mers, avait compris ce commandement de Dieu « Honore ton père et ta mère » afin de trouver la prospérité sur la terre. En effet, il prospéra. 5 ans s'étaient écoulés depuis qu'il était parti et Sarah l'attendait toujours. 5 années passées patiemment et sans se plaindre, 5 années à travailler pour les siens, et chaque semaine arrivait régulièrement la lettre contenant toujours la même somme. Les gens du bourg le savaient et saluaient la mère y était avec plus de respect encore, mais au fond, c'était devant le fils qu'il s'inclinait et se saluait, s'adressait surtout au brave Fritz. C'était avant la fête de Pacha. Une lettre volumineuse était arrivée de Milwaukee avec une forte somme d'argent. Aussi tous étaient-ils dans la joie. Sarah avait aidé la mère Yette à laver la vaisselle, qu'on avait eu soin de passer au feu auparavant, et nettoyer la maison de la cave au grenier. La fête de Pâques célèbre la mémoire de la sortie de l'Égypte, et il est écrit dans l'Exode « Vous mangerez pendant 7 jours du pain sans levain. » Et les premiers jours, vous ôterez le levain de vos maisons. Au premier mois, le 14e jour au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au 21e jour au soir. Il ne se trouvera pas de levain dans vos maisons pendant 7 jours. Autrefois, on renouvelait tout ce qui pouvait être considéré comme levain. Mais aujourd'hui, cette vente n'a plus lieu que pour la forme. Tout est donné à un chrétien, ami de la maison, qui le paye et le rend après pas contre l'argent. La mère Yette avait joué elle aussi cette comédie et maintenant tout était en ordre. Tout reluisait dans la petite salle à manger. Le plancher, fraîchement lavé, était saupoudré de sable jaune et rouge. Des rideaux, blancs comme des fleurs de printemps, ornaient les fenêtres. Au bout de la grande table se trouvait le lané, le fauteuil, destiné au chef de la famille, et la pièce était remplie du parfum des violettes cueillies par Sarah dans le petit bois voisin. Les deux femmes avaient déjà préparé le matzé. Le pain sans levain, et la première pensée de la mériété fut d'envoyer les présents et les aumônes que chaque juif distribuait à cette époque. Sarah, chargée d'une grande corbeille pleine de bouteilles de vin et de matzé, parcourut tout le bourg pour porter les cadeaux chez le rabbin, le chanteur, le chamès, l'instituteur, à de pauvres talmudistes et à quelques malheureux juifs et chrétiens, car la charité des juifs vraiment pieux ne connaît pas de borne. Déjà, la première soirée de la fête approchait. Le grand-père Taubes s'était assis devant la maison, attendant l'étoile qui annonce le commencement du 14 Nissan et de la semaine de Pâques. Le Schulklopfer traversait les rues et frappait trois fois à chaque porte israélite. C'était le signe que le temps de la prière était arrivé. Mais tout à coup, un mouvement joyeux se produisit. On entendit au loin des cris de joie et de bruyantes salutations de bienvenue. Un homme arrivait, le havresac sur le dos, le bâton à la main, entouré de la jeunesse qui se pressait autour de lui et poussait des hurrahs. Il resta debout dans la rue, et au même instant, la mère Yété et Sarah penchaient leur tête par la fenêtre. « Shalem Aleichem, la paix soit avec vous !» dit l'homme que tous avaient pris pour un étranger. « Aleichem Shalem, la paix soit aussi avec vous !» répondaient les autres. Mais les enfants s'écriaient déjà. « Comment, Madame Goldenblum, vous ne reconnaissez plus votre Fritz ?»« Oui, c'était Fritz, avec de grandes bottes en cuir de Russie et une longue barbe. » La joie était sans limite. Après que tous se furent rassasiés de le regarder et de l'embrasser, on se rendit à la synagogue. La prière finie, on retourna chez soi, et chemin faisant, Fritz commença à raconter ses aventures. Plus de doute, le Dalès était resté à la maison. Fritz avait trouvé la fortune en Amérique. Il avait beaucoup gagné et épargné, ayant pris un petit fonds de commerce qu'il avait vendu avantageusement, et il revenait avec plus de 30 000 francs dans son havresac. Son premier soin fut d'entrer chez German Kugel pour lui rendre l'argent qu'il lui avait prêté, ce qu'il considérait comme un devoir sacré, puis il rejoignit sa mère et sa fiancée. Pendant ce temps, les étoiles étaient apparues au ciel et tout Israël se mit à célébrer la première soirée, la fête du Pacha et le Seder. Le grand-père Taubos prit place dans le grand fauteuil près de la table au-dessus de laquelle brûlait la lampe à sept becs. À ses côtés étaient la mère Yété et Sarah, et vis-à-vis de lui, Fritz. Devant chacun, sur la nappe blanche, se trouvait le Haggadah, le livre hébreu qui contient les prières et les chants pour ce soir-là. Les deux hommes avaient la tête couverte. Au milieu de la table étaient placés trois grands pains de matzé, séparés les uns des autres par une serviette blanche, et tout autour, les différents symboles, une marmelade à la cannelle, représentant la terre glaise et la chaux avec lesquelles les Israélites avaient travaillé en Égypte, du vinaigre, un œuf dur et du réfort en mémoire de la misère et de l'esclavage. Un os, recouvert d'un peu de viande, figurait l'agneau pascal, et le vin rouge, le sang dans lequel s'étaient baignés les pharaons. Le grand-père prononça la prière de bénédiction qui commence la fête, après quoi Fritz se leva, et prenant une aiguère, versa de l'eau sur les mains de Ber. Puis tous se levèrent et touchèrent le plat sur lequel reposaient les trois pains. « Voici le pain de la misère que nos parents ont mangé en Égypte, » dirent-ils tous à la fois. « Que celui qui a faim vienne manger avec nous, que celui qui est nécessiteux vienne faire la Pâque. » À ce moment, on frappa la porte et un mendiant, un schnorrer polonais, entra. Après qu'on se fût salué réciproquement, il prit place à table. Fritz, la Haggadah devant lui, commença en langue hébraïque. « Pourquoi toute cette cérémonie ?»« Nous avons été esclaves en Égypte, » répondit le vieillard, « et l'Éternel, notre Dieu, nous en a fait sortir avec une main puissante et un bras étendu. » Lorsqu'on eut encore récité l'histoire des souffrances des Israélites dans l'esclavage et la sortie de l'Égypte, chacun goûta des mets symboliques, puis le vieillard emplit une grande coupe placée devant lui et destinée au prophète Élie, le saint protecteur du peuple hébreu. Le repas commença. Fritz parla de son séjour en Amérique, et le schnorrer régala les convives d'une foule d'anecdotes variées. B rompit le pain, comme symbole du passage de la mer Rouge, en donna à chacun un morceau, et termina par la prière qu'on a coutume de dire après chaque repas. « Fritz, dit-il enfin, ouvre la porte !» Fritz se leva, ouvrit la porte toute grande, et se tint debout à côté, pendant que tous observaient un silence religieux. Le prophète Élie entra, invisible. Quand Fritz eut refermé la porte et que le Saint eut, soi-disant, touché de ses lèvres la coupe préparée pour lui, on entonna le psaume 115. D'autres chants suivirent. Il était tard quand on alla se reposer, sans prononcer ce soir-là la prière de nuit, parce que durant cette nuit, Dieu lui-même veille sur toutes les maisons d'Israël, comme jadis en Égypte. Le lendemain, pendant le dîner qu'on prenait à midi, tandis qu'on était encore à table, toute la commune vint rendre visite à Madame Goldenblum, le rabbin, qui était désireux d'entendre parler de l'Amérique, l'instituteur, le chamès, le chanteur et les voisins et voisines. Il y eut bientôt dans la petite salle un vacarme à ne plus s'entendre. Ce ne fut que lorsque Fritz, répondant aux questions qui se croisaient de tous côtés, prit la parole, que le calme se rétablit. Le cercle écouta attentivement, avec une curiosité naïve, jusqu'au temps de la mina, la prière de l'après-midi. Ce premier jour de Alamad, jour de demi-fête, Fritz sortit avec Sarah. Ils marchaient côte à côte à travers champs. Partout on voyait les semailles vertes d'hiver parmi la terre noire, fraîchement remuée. À chaque talus, des fleurs émaillaient l'herbe et sur les arbres se montraient de nouvelles pousses. Au-dessus de ce petit paradis, le ciel bleu souriait gaiement et le soleil brillait chaud et joyeux. Les jeunes gens se tenaient par la main. Ils ne pouvaient parler, tant leur cœur était plein de bonheur et de reconnaissance pour le Créateur du ciel et de la terre. Enfin Fritz prit la parole. « Sarah, dit-il, nous nous créerons un foyer et nous célébrerons bientôt nos noces. Dis-moi, ma vie, mon bijou, préfères-tu une terre et du bétail ou un petit commerce ?»« Comme tu voudras, Fritz, répondit-elle en souriant, ce qui te conviendra me conviendra aussi, car ton chagrin est mon chagrin et ta joie est ma joie. »« Eh bien, j'achèterai la terre de François Schneegans, dit Fritz, je pourrais l'avoir à bon compte, c'est à cause de la vieille mère. Cela prolongera sa vie. Oh, mon Fritz, que tu es bon, s'écria Sarah. Oui, fais cela, cela nous portera bonheur. Honore ton père et ta mère, afin de trouver la prospérité sur la terre. Ainsi s'achève Shalem Aleichem, comte d'Alsace, par Léopold von Sacher-Masoch.